Nous saluons chacun de vous ce matin au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila mmoja wenu asubuhi mujina Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nous saluons en même temps les frères et les sœurs qui sont en ligne. Wakati ile mmoja tunasalimia nduku na dada wa kumtandao. Nous vous souhaitons toutes les bénédictions du Seigneur. Tuko nemitakia mabaraka yote ya Bwana. Sans tarder, comme vraiment on est en retard, ça fait déjà 20 minutes que vous avez consommé. Levons-nous pour la prière. Merci, notre Dieu. Toi, le prince de la vie. L'unique espoir de croyant, c'est toi seul qui es notre solution. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Et tu es puissant d'éternité en éternité. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre du calvaire. Merci pour la lumière du soir que tu nous as envoyé pour nous préparer pour notre enlèvement. Merci pour tous les témoignages des grandes choses que tu fais dans la simplicité parce que tu es réellement vivant au milieu de nous. Ce matin, Seigneur, bénis chaque frère, bénis chaque sœur, que chacun de nous ne rentre pas main vide, que chacun de nous expérimente tes bénédictions. Souviens-toi des frères et des sœurs qui sont connectés en ligne, que la même bénédiction que nous recevrons ici puisse aussi tomber sur eux. Bénis la parole qui sera lue. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Dans Jean chapitre 13, Ioano, kuminatatu, dans son verset 34, Jean 13, Ioano, kuminatatu, surayake, verset 34, Mustariake, amakumitatu, naine. Je vous donne un commandement nouveau. Nipatia amri mupya. Aimez-vous les uns les autres. Mupendane bamoja na wengine. Comme je vous ai aimé. Vile nilimipenda. Vous aussi. Na mwe. Aimez-vous les uns les autres. Mupendane bamoja na wengine. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusoma neno lake. En réalité, nous sommes tous un seul corps. Kwa kweli, sisi wote ni mwili mmoja. Et les membres du corps s'aiment les uns les autres. Na ba memba mwili banapendanaka. La bouche ne peut pas dire. Kinywa akiwezi kusema. Je n'aime pas mes pieds. Nisipende mikulu yangu. Les pieds ne peuvent pas dire. Mikulu nae haiwezi kusema. Moi, je n'aime pas mes mains. Mie sipendake mikono. La bouche ne peut pas dire je n'aime pas mes yeux. Kinywa akiwezi kusema sipendake macho yangu. Et les yeux ne peuvent pas dire je n'aime pas mes oreilles. Na macho haiwezi kusema sipendake masikio yangu. En réalité, chaque membre au corps kwa kweli, kila kiungo, mwili, ne s'appartient pas à soi-même, akina pale juu yake, mais s'appartient au corps pour les autres. Lakini kiko pale juu ya mwili juu ya watu wengine. Chaque membre est au service des autres membres. Kila memba anatumikia wengine. Il n'y a aucun membre au corps qui se sert lui-même. Akuna memba tamwa mumwiri nekaraka nijitumikia yonyo. Les oreilles sont à la tête, c'est pour servir les autres. Mashikio uko kichwa njo kusaidia mwili yote. Les pieds sont là pour servir les autres membres. Mikuli kupale njo kusaidia ma memba ingine. Même le cou est là non pas pour lui-même mais c'est pour les autres. Atan shingo kupale ni aina juu yayo njo bintu ingine. Aucun membre au corps ne vit pour lui-même. Hakuna memba tama mwili unaishi juu yake mwenyewe. Chaque corps vit pour les autres. Kila memba unaishi juu ya wengine. Et participe à la bénédiction de tous les corps. Na eko na shiriki kubaraka ya mwili wote. Si nous pouvons comprendre cela, kama tunaweza kufika mkuelewa hili, nous accomplirons ce que le Seigneur est en train de dire ici. Tutatimiza ile Bwana unasema hapa. Ça ne sera pas seulement un commandement, mais ça sera une vie pour chacun de nous. Aita kwa tu ambri, lakini itakuwa maisha njua kila moja wetu. Aimez-vous les uns les autres. Pindane, mamoja na bengine. L'amour est plus fort que nos divergences. Mapendo iko nguvu kabisa kushindia hata kuona kwetu, machanisho yetu. L'amour est plus fort. Mapendo iko nguvu kabisa que nos erreurs, que nos fautes, que nos péchés. Hata makosa yetu, mazambi yetu. Nous devons nous aimer. Tunapasha kupendana. Pas seulement nous aimer. Hapana tu kupendana. Nous devons aussi nous respecter. Tunapasha kwanza kuheshimiana. Pas seulement nous respecter. Haina paka kuheshimiana tu. Nous devons nous supporter. Tunapasha kwanza na kuvumiliana. Pas seulement nous supporter les uns les autres. Nous devons nous accepter. Tunapasha kwanza kuchikiana, tel que Dieu nous a créés. Paka vile Mungu alituumba. Accepte ton frère. Itikia nduku yako. Tel que Dieu l'a créé. Paka vile Mungu alimumba. Accepte ta sœur. Itika dada yako. Comme Dieu l'a créé. Paka vile Mungu alimumba. Acceptons-nous les uns les autres malgré nos différences. Nous devons nous aimer tous les uns les autres avec nos différents caractères. Nous n'aurons jamais le même caractère. Et nous n'avons jamais le même caractère. C'est pourquoi nous devons nous aimer avec nos différents caractères. Comme je sais que Joe est du corps de Christ, je dois l'aimer tel que Dieu l'a créé. Il fait partie de moi, il fait partie de ma vie. Je le reconnais en tant que mon frère, en tant que membre du corps de Christ. Même si je vois quelques erreurs dans sa vie, je dois l'accepter avec ses erreurs. Et prier pour lui, parce que lui aussi m'a accepté avec mes erreurs. Il prie pour moi, il me supporte. C'est vrai. Si l'Église comprend cela, kama kanisa inafika mkuelewa hili, nous vivrons l'éternité tutaishi milele sur cette terre. Pae dunia. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Est-ce que vous comprenez cela? Eti mwaelewa hili? Il y a des questions que des frères ont posées. Maulizo ile wanduku aruliza. Comme vous le savez, nous sommes dans une série de questions-réponses. Kama najua tumkipande ya maulizo na majibu. Si cela est la volonté du Seigneur, on peut achever cette semaine. Et peut-être dimanche soir, je vais vous préciser au courant de la semaine. Peut-être dimanche soir, nous pouvons célébrer la Sainte Sainte. Alors si ça rate dimanche, alors la semaine qui vient, ce sera le vendredi. Vous aurez la précision. Il y a des questions qui ont été répétées. On a déjà répondu à cela. Et j'ai vu un frère qui a écrit de ses longues préoccupations. Je ne sais pas si c'est un frère ou si c'est une sœur. Et toutes ces préoccupations ici, na i mangaiko yote, le Saint-Esprit, par notre pasteur José, Rom takatif kupitia mchungaji wetu José, a déjà résolu cela. Anesha kujibu kui maulizo. Ça ne sert à rien que je commence à répondre à cela. Aita saidi ata yanze kujibu tena kui. Dans la prédication de notre pasteur, Corinthiens livre de correction, le Saint-Esprit nous a dit beaucoup de choses, surtout en ce qui concerne l'organisation de nos fêtes. Tout le monde sait, depuis le commencement ou le début de cette église, nous n'organisons jamais de fête la nuit. Depuis que je suis pasteur ici, nos fêtes se font toujours pendant la journée. On n'a jamais fait une fête pendant la nuit. Il est vrai que je vois les jeunes gens que nous avons aujourd'hui qui organisent les fêtes. Ils ont tendance à nous ramener vers le soir. Vous voyez que même dans notre comportement, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Quand vous nous invitez dans nos fêtes, par respect, nous venons. Quand votre fête commence à prendre, à être élastique, nous sortons gentiment. Nous vous laissons dans vos fêtes. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Nous avons toujours dit cela. Notre pasteur l'a toujours dit. Sur le gâteau de fête, le Saint-Esprit en a parlé longuement dans la bouche de notre pasteur. Et pour nous, ce n'est pas une chose de grande importance. C'est quelque chose qui est lié à l'esprit de l'âge. Mais cela nous intéresse moins. Le frère parle de frères et de sœurs qui portent les uniformes. Il n'y a rien que nous pouvons condamner là-dessus. Aussi longtemps que les sœurs et les frères portent décemment, pour distinguer ceux qui travaillent, ceux qui sont à votre service, et ceux qui sont invités, il n'y a aucune écriture que nous pouvons placer là-dessus pour condamner cela. Le frère a parlé ou la sœur dans ces questions. Et il parle des commentaires que les frères font. On appelle souvent modérateur ou je ne sais quoi. Nous avons déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Les modérateurs dans la fête. Les animateurs de fête. Oui, les animateurs de fête ne sont pas des prédicateurs. Aina baubiri. Nous les exhortons à ne pas se comporter comme des prédicateurs. Nous n'aimons pas cela. Nous vous supportons, mais nous n'aimons pas cela. Trop de commentaires sur le marié. Trop de commentaires sur les parents. Non, nous n'apprécions pas cela. Dites ce qui est essentiel. Et c'est ce que nous apprécions. Le frère ou la sœur a souligné les problèmes. Donc, au lieu de passer directement à la nourriture, mais les frères nous font d'abord des bruits avec trop de commentaires, alors que tout le monde attend pour manger. Parce qu'il nous a invités dans la fête pour manger. Et le frère ou la sœur dit, nous sommes allés pour manger. Donc tous ces bruits-là ne nous intéressent pas. Les organisateurs qui tiennent compte de cette remarque, parce qu'ils veulent manger à temps et sortir à temps. Qu'ils tiennent compte de cela. Apate, kuangaria, ile mambo. Et le frère a soulevé, il voit beaucoup de frères, de jeunes frères, donc, on sait maintenant, anona qui portent des porte-clés à leur ceinture. Banekalamu, kuweka ma porte-clés kuma ceinture yabo. C'est comme s'ils étaient des magasiniers. C'est comme s'ils étaient des magasiniers. Utoa sabaru kwa ba magasinier. Ce sont les habitudes des jeunes gens. Alors vous les frères qui portez beaucoup de porte-clés avec beaucoup de clés, si vous êtes des magasiniers, abandonnez cela. Il ne faut pas le faire. Vous voyez que votre comportement a dérangé même les frères ou la sœur. Vous voyez. Et le frère ou la sœur continue. Il parle des sœurs et des frères qui portent des lunettes, mais sans être malades. Évitez encore ce comportement, ce n'est pas bien. Attendez quand vous aurez notre âge, vous porterez les lunettes pour lire. Dernièrement, quand la sœur était, on lui a prescrit les lunettes. Elle avait honte de les porter. J'ai dit, non, c'est une maladie, porte les lunettes. Non, voilà ma lunette. Ah, il n'a même pas la fierté. Ce n'est pas pour la fierté. Mais quand mon mari, je ne comprends pas, Macho, il y a bien. Si Dieu t'a déjà respecté, Macho, Yako. Et chimé à tout Macho, Yako. À part ne pas voir la majorité. Ne portez pas les lunettes comme des politiciens. Comme des politiciens. Ça va pas faire si comme on a la malaria na yamacho. Si tu n'as pas de problème, Dieu, je vois les malunettes. Ne mettez pas des lunettes. Il est ni fou Dieu qu'on a. Ça c'est du désordre. Voyez bien mes frères. Non, on a du compéter. Na ba frère, na ba sœur qu'on a voir la malunette, Dieu. Il y a des frères et des sœurs qui mettent des lunettes pour prendre des photos. Arrêtez ces choses. Frère qu'on a sema et qu'on a ba frère na ba sœur, ba frère qu'on a voir là ma chemise à Bikwembe. Il voit de frères en train de mettre les chemises. Comment on a frère qu'on a voir la chemise à Bikwembe? Si vous voyez un frère en chemise de pagne, on mange toute chemise, il y a bien. Il faut aller payer juste une chemise. Donnez-lui, Ndoku. Que Dieu vous bénisse. À ce moment-là, certains problèmes on les résout comme ça. Maman Bouygine, mon écran, couche à comme on a frère, anana, avec un frère, avec le même vêtement, vous payez juste les habits, vous lui donnez. Ça va. Bonjour. Et je pense qu'il n'a plus à mouiller les nams. Ça passe dans ce sens. On a frère, pas quand je souffre. Donc, pour écrire tout ça, on a tes. On a lu certainement comment sont mouingine. On est retourné encore à l'école. Alors, ça, on va répondre ça. Ça, on avait déjà répondu. Ça, c'est pourquoi. Je l'ai amené ici pour ce que je me rappelle. Je ne pas te kumbuka. Il y a un frère. Kunduku moya. Il y a un frère ou une sœur. Ndoku ala dada. Qui parle des frères qui ont des centres de santé. Ule anasemezia yulu abanduku balebe kuna ma centre de santé. Ce qu'il faut savoir. Il est on a pas ce jour. D'abord, les centres de santé n'appartiennent pas à l'Église. Il est ma centre de santé à Ina ya Kanisa. Ce sont les centres de santé des frères. Ni ma centre de santé à Banduku. Les frères et les sœurs qui vont dans les centres de santé. Banduku na wadaba dans le ma centre de santé. et qui ne payent pas sont dans l'erreur. Et vous péchez. Quand vous allez dans le centre du frère, il faut payer. L'église, Kanisa, ne peut pas payer les hôpitaux, les soins médicaux de tout le monde. Mais nous prions pour tout le monde. Si vous êtes malade, venez au bureau, nous allons prier pour toi. Et c'est gratuit. Maintenant, quand tu vas dans les centres de santé des frères, il faut payer. Parce que ces frères-là ont aussi des engagements. Ils ont des travailleurs. Ils doivent payer certains frais de l'État. Et dans les peu de bénéfices qu'ils ont, ils doivent payer leurs dîmes et offrandes. Et ils doivent sortir pour payer aussi de faire des dons à cette église. Maintenant, si vous ne payez pas, si ces entreprises l'achetaient, Dieu vous tiendra responsable. C'est nous qui devons les encourager. Même les frères qui ont des petits kiosques, magasins, quand vous prenez quelque chose chez lui, il faut aller payer. Ne dites pas non, c'est, la magasin, c'est un magasin du frère. Ça s'appelle de l'escroquerie. Payez les frères. Papa, on est au centre de santé. Vous allez à un centre de santé. On vous donne la facture. Dieu, on a quoi la facture? Tu viens avec la facture auprès des. Il ne faut pas faire ça. Moi, chez les mamans, ville. Ce n'est pas correct. Il peut y arriver que nous payons des petites factures pour les frères et les sœurs. Si nous le faisons, c'est après avoir examiné beaucoup de choses. Mais on ne peut pas le faire pour tout le monde. Parce que nous n'avons pas d'argent. Et chacun de vous est libre d'aller dans n'importe quel centre des frères. Quand l'air que vous sentez d'y aller, allez-y, il n'y a pas un problème. Vous voulez aller chez Katubilongi? Vous voulez aller chez François? Pas de problème. Vous voulez aller chez Frère David là-bas? À Kiwewe, pas de problème. Jean Mono aussi a un centre. Vous voulez aller à Emeraude? Pas de problème. Vous voulez aller chez La Volonté? Pas de problème. Il y a le frère, ce qui est le frère Jules Kaba. Qui a ouvert ce centre. Allez-y. On n'interdit à personne. Nous n'avons pas de préférence. Mais il y a des maladies qui nécessitent des opérations. Et qui nécessitent de voir le docteur. Et Dieu ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes. Nous avons des dons. J'ai toujours dit, Mutombo, nous avons Mutombo, nous avons Albert. Nous avons Dadi, et nous avons maintenant les jeunes docteurs qui sont venus, Manakuya, la sœur Abiga, maman Hélène. Mais Hélène, leur doyen, c'est Mutombo, qui a beaucoup d'expérience. Vous savez, quand vous avez un don, souvent vous l'ignorez, mais quand le don là s'éloigne de vous, c'est à ce moment-là que vous sentirez son importance. Les médecins que Dieu nous a donnés sont des dons pour cette église. Quand ma frère là, on a coupé ma. Si ce frère ici, nous avons de très bons médecins, de très bons infirmiers. Un garçon comme Paulin, c'est un bon infirmier. C'est moins poussé, c'est une bonne accoucheuse. Voyez les frères, les frères Jamari, c'est un très bon infirmier. Kaba, c'est un bon infirmier. Ce sont des dons que Dieu nous a donnés. Maintenant, il ne faut pas, quand on les cite comme ça, quand vous êtes nombreux, on ne peut pas tous vous citer. À tout et pourquoi on a cité seulement Paulin. John on a fait la publicité de Paulin. Tout est pur pour celui qui est pur. Alors, évitez cela. Pour les cantiques, les frères parlent des cantiques, des gens qui viennent chanter ici, cantiques. Le Saint-Esprit en a parlé. Nous ne pouvons pas interdire aux gens qui sont poussés à venir chanter. Ils chanter. C'est pour la gloire du Seigneur. S'ils ont d'autres motifs, comme le Saint-Esprit nous avait dit, ils seront condamnés. Parce que Dieu voit toutes choses. Mais nous voyons qu'ils chantent pour la gloire du Seigneur. Nous limitons à ça. Nous ne sommes pas jaloux de ça. Si les jeunes sœurs viennent chanter dimanche pour qu'on les voie, dimanche, afin d'être mariés, souvent Dieu voit leurs motifs et va les condamner. Le frère a parlé du comportement des diacres. La police américaine et la police congolaise sont différentes. La police est américaine et Congo est différente. Parce que si Frère Branham a parlé des diacres comme les policiers, il donnait l'exemple des policiers américains. Les comportements des policiers dans le monde entier sont les mêmes. C'est parce que toi tu ne voyages pas et tu ne connais pas leurs principes. Il est vrai que chez nous, les policiers ont exagéré. La plupart sont indisciplinés. Les autres n'ont pas de courtoisie. Vous voyez, ça c'est lié à l'individu. Il est ikou na matana à l'éducation que l'individu a reçu. Comme ici chez nous ici, nous avons une carence de policiers. Ma policier beau kidoko. La plupart des policiers que vous voyez, ma mingi wa policier bon onana, ne sont pas des policiers, ce sont les enfants des policiers. Aina wa policier ni batoto wa policier. Voyez, son père non. Était policier. Baba qui a quoi, policier. Et il est décédé. Anakufwa. Et on a pris ses enfants, on a pris son enfant yake. Pour remplacer son papa. Jou, il y a beaucoup de choses anormales. Kobitu ya mingi ba chipokwa bia sawa. Voyez, et ces gens, là, ce sont des civils qui se comportent comme ça na avec leur éducation qu'ils ont. Civil, je viens toi la ville na ils me font. Mais un policier est correct. Mais là, qui est policier tout. Il est strict, il est courtois. Loka, nikalawa heshima. C'est un homme d'ordre. Mutu au sawa. Pour amener la paix. Jou kuleta salam. Donc, il n'y a pas de différence. Merci. Excellent. C'est suffisant comme ça. Le reste ici, vos commentaires là, il y a des commentaires qui ne sont pas corrects. Comme je vous avais averti autrefois, quand vous écrivez, il faut discerner l'esprit qui vous anime. Parce que quand j'ai lu votre question, j'observe l'esprit dans lequel vous écrivez. Et l'intention que vous avez. Mais nous posons les questions, c'est pour nous éclairer. Et pour édifier ceux qui entendent cette question. Et la réponse doit aussi t'édifier. Que Dieu vous bénisse. Pour que je n'oublie pas. Dans nos prières du soir. Souvenez-vous de la sœur Kalenga. La mère de frère Mbayo. Mama qui a Nduku Mbayo. Depuis qu'on l'a amené à Lubumbashi. Tangia mpeya à Lubumbashi. La situation ne s'améliore pas. Aliaki ayende mzuri. La situation elle est stationnaire. Nabakia pasi moi. Alors que cela soit l'objet de nos prières. Il est pas te quoi chine maombi yetu. Parce que Dieu écoute la prière des saints. Maombi atakatifu. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec nos questions-réponses. Tunaendelea na maulizo na majibu yetu. Nous prenons la question 67. Ya makumi sita na saba. Je suis troublé. Niku mwenye kufurukwa. Je manque de paix. Nakosa sanama. Dans ma propre maison. Munyumba yangu mimi mwenyewe. Parce que mon mari amène de l'argent qui vient de frappe. Sababu bwanangu analetaka makuta ya kutokea mafrapu. Cela me trouble quand il m'achète quelque chose, il nous achète à manger, j'ai du mal à consommer cela parce que j'ai sans la condamnation en moi. Mais quand je lui parle, cela crée des querelles. Que puis-je faire? C'est une question très difficile. Une question très compliquée. Pourquoi? Parce que dans cette famille, je commence à répondre à la question. Parce que dans cette maison, il y a un qui est sauvé. L'autre n'est pas encore sauvé. Mais ils sont appelés à vivre ensemble. Vous êtes couvert par une écriture. Si un chrétien consentit de vivre ensemble avec une païenne ou vice-versa, nous les exhortons de demeurer ensemble. C'est une question très compliquée. Apparemment, le frère n'est pas encore converti. Priez pour lui, il ne faut pas faire de problème. Quand il sera converti, il va abandonner ça. Parce qu'il est déjà ton mari, nous ne pouvons pas te conseiller, il ne faut pas manger. Ni bwana yako hatuwezi kuambia sasa ushukuri. Comme lui ne croit pas encore. Ça veut dire ya siamini. Que c'est le travail qu'il a. Na njoka ajile konayo. On ne peut pas te dire que non, allez commencer votre activité. Hatuwezi kuambia sasa uende uanze kazi yako. Alors tu commences à préparer avec ce que tu reçois. Uanze kupika na ile mapokee. Ce sont des situations compliquées. Ni mambo ya nguvu. C'est lui qui a la solution à toutes ces choses. Na jibu, à de telles situations. Ya mambo ya hivi. C'est seulement Dieu. Paka Mungu. Ça nous dépasse nous. Parce que nous, on ne peut pas te demander de briser le mariage. Dieu qui sait la profondeur de votre cœur. Il trouvera une solution à son temps. Mais ne crée pas de problèmes là-dessus. Il y a certains problèmes. Dieu ne vous demande pas de discuter. Dieu vous demande de prier. Demandez à Dieu. Jeûnez pour cela. Funga chakula jua ili. Que Dieu donne à ton mari un travail honorable. Mungu ampatie bwana yako kazi ya heshima. Quand Dieu lui donnera un travail honorable, et le Seigneur l'aidera. Priez pour sa conversion. Et priez pour que Dieu lui donne aussi un travail correct. Je connais des pasteurs qui encouragent les gens à faire ce travail. Je l'ai vu en Bujimaï. Quand au temps des diamants. J'entends beaucoup de prédicateurs qui disent ça, qui autorisent à leur brebis d'aller à la Chekamine, Kambove Mining, ils disent Maria pays, ce sont des raisonnements politiques humains. Mais qui n'ont rien à faire avec la parole. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous n'allons pas vous encourager à faire ça. Nous demandons à chaque frère, à chaque sœur, de travailler honnêtement et de vivre honnêtement. Et dans Ephésiens chapitre 4, dans son verset 28, Paul disait ceci. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille. En faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que celui qui dérobait ne dérobe point. Ule aranza kuiba ashibe tena kamwe. Voyez. Non. Ne dérobe plus. Shibe tena. mais qu'il travaille de ses propres mains. C'est l'exhortation que nous donnons à chaque frère. Mais toi, sœur, vous avez un devoir sacré. Priez beaucoup pour votre maison, en particulier pour votre mari et pour votre pour son travail. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, dans son verset 10, verset 11, vous pouvez aller jusqu'au verset 12, dans verset 11 pour aller un peu plus vite, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons déjà recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez point, vous n'ayez besoin de personne. Donc, voilà ce qu'il faut faire, travailler. Je connais un frère ici, j'étais son nom. Il travaillait ici chez Comica. Comme opérateur. L'équipe tout entière avec les Chinois lui imposait certaines restrictions pour qu'il vole en complicité avec les Chinois. Et quand les frères refusaient, que moi je suis chrétien, on lui donnait une mise à pied. Et on lui coupait tout l'argent. Mais quand le frère m'avait vu, j'avais dit, priez, on a prié pour la chose. Et Dieu lui a donné un autre travail, c'est Kambo Mani. Là, on n'est pas dérangé. Certaines situations, nous devons les exposer au Seigneur. Et lui, il est capable de tout. Quand vous arrivez à un certain moment, dans votre travail, on commence à vous persécuter. Des fois, nous ne comprenons pas. On peut vous licencier pour votre bien. C'est ainsi que l'Écriture dit, tout concourt au bien de ce qui est métier. Nous ne vivons pas parce que nous sommes dans une société, non. Regardez, ma société. C'est monde qui vit à Kambo. Nous ne vivons pas parce que c'est Dieu qui veut que nous vivions. En tant que bateau Mungu, comme des enfants ma situation tout qu'on a traversé, dans des situations par lesquelles nous traversons, il faut tout qu'on expose quoi Mungu. Nous devons les exposer à Dieu. Celui qui a des solutions à tout problème. Dieu qu'on a dit pour comment boyot. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 8, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Un chrétien est un travailleur. C'est pourquoi je vous ai toujours conseillé. Kajiote tumika. Afrikalake kaji a mbafu. Afrikalake kaji a haya. Aiko. Des travaux honteux. Il n'y a pas de saut métier. Comme les blancs l'ont compris. Kajiote ne te présenter. Tout ce qui se présente comme travail. Pour permettre ou rire, ou voyer, ou oui, de vivre. Tumika il est kaji. Soyez honnête, moi, le cage. Et Dieu vous bénira. Kuchoma mioko, kuchoma kalanga, kuikala mbele ya nyumba yako. Devant votre parfait. Kuna ushisha biscuit. En train de vendre le biscuit. Aina nzambi. Ce n'est pas un péché. Dieu à partir ya mioko. Je connais des familles. Mina wa majama. Bale bana fundisha batoto yabo. Ils ont scolarisé. Bana bafikisha mu université na ku université. Rien que mukuchoma mioko. En faisant seulement le manioc et le beignet. Faites le travail que Dieu vous donne. Kazi le mungu mpatie. Et Dieu peut vous bénir à partir de cage. Que Dieu vous bénisse. Mbariki. C'est une question compliquée. Nous est-ce que vous avez compris? Recevez ce que les réponses que j'ai données ici. Parce que ce sont les réponses qui viennent de la part du Seigneur. Ça va vous aider. La sœur, il ne faut pas faire de problème à ton mari. Dada, panaku, let, fama, mambo, nan, bonaku. Ça, c'est là où la sagesse intervient. Je parlais ekima, un chrétien, une chrétienne est sage. Christu, mwamume, mwana, mwana, mwke, anekalawa, ekima. Merci. Que Dieu bénisse. 68e question. Ulizo, j'ai une préoccupation pour ma vie chrétienne. Nous n'angaiko jo maishango ki Christu. Si un frère n'a pas encore payé la dot, ou il a déjà payé la moitié de cette dot, va-t-il participer à la Sainte Cène? Ou si la mort le surprenait, quel sera son sort? Il va passer. Où il va participer à l'enlèvement. Voilà. Je réponds à cette préoccupation. C'est semblable à une question que j'ai déjà répondu. Si ton mari a déjà payé la moitié de la dot, et qu'il lui reste encore une autre moitié, priez pour lui que Dieu lui donne des moyens pour payer cette dot. Mais le mal avec vous, les sœurs, vous posez des questions quand ton mari n'a pas l'argent. Et vous tracassez de la dot quand ton mari n'a pas l'argent. Quand ton mari te paye des wax, il te paye des écrans. Là, vous n'avez pas de questions. Posez votre problème à votre mari. Quand vous voyez que l'argent est entré dans la maison, et que dans cet argent-là, il peut appuyer sa dette, sa dette de la dot. Exhortez ton mari à faire cela. Je connais d'autres femmes qui, quand leur papa réclame la dot, c'est la femme qui dit, non, mon mari n'a pas encore l'argent. Mais ton mari n'a pas l'argent. On le voit acheter une moto. On le voit acheter une voiture. On le voit construire une maison. Mais c'est-à-dire, quand tu dis que vous n'avez pas l'argent, vous mettez vos parents dans le doute. Vous voyez. Non. Quand mon mari aura l'argent, il va payer. Quand vous dites ça aux parents, soyez certains que réellement ton mari n'a pas de moyens pour le faire. Mais comme il a déjà payé la moitié, je réponds à cette préoccupation. Comme il a déjà payé la moitié, maintenant, s'il est sincère et que dans son cœur, il a la volonté ferme d'achever sa dette, de la dot qui lui reste, mais il manque le moyen, Dieu et le juste juge en toutes choses. Si réellement il n'a pas de moyens et qu'il a la volonté de payer et que le temps de la Sainte Cène est là et qu'il présente son cas devant le Seigneur et qu'il vienne participer au repas du Seigneur. Et quand le Seigneur lui donnera, quand le temps lui sera favorable, et que le Seigneur lui donnera de l'argent, qu'il aille payer ce qui lui restait. Vous voyez, Dieu connaît toutes choses. Si c'est un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, s'il mourait, il sera sauvé. Si l'enlèvement venait, il sera enlevé. Cela dépend de la décision divine, du juge, parce que les œuvres de chacun sera jugée. Donc, et là, Jésus n'a pas de favoritisme. Alors, il est correct, mais sa pauvreté lui fait manquer l'argent pour payer le reste de la dot. Dieu sait ce qu'il fera avec lui. C'est pourquoi autrefois, là, je vous ai parlé de cette expérience de la veuve avec Élisée. Vous voyez, dans Daniel chapitre 2, Daniel sur la capille, dans son verset 22, Dieu révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Donc, le Dieu qui connaît le cœur du frère, de ton mari, le jugera justement. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Si Dieu ne lui a pas donné, ça va, Dieu comprendra sa situation. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? 69. Après l'enlèvement de l'épouse, celui qui va rater va mourir pour aller en enfer. Après l'enlèvement de l'épouse, celui qui va rater va-t-il mourir pour aller en enfer? C'est ça la question du frère. Parmi les gens qui restent, je réponds à cette préoccupation. Parmi les gens qui restent, après l'enlèvement de l'épouse, suivez très bien. Il y a les vierges folles. Deux, il y a les appelés. Et trois, il y a des incrédules. Là, je parle du côté des nations. Parce qu'Israël a son plan du salut. L'église est avec moi, il ne faut pas dormir. Je réponds à cette préoccupation. Après l'enlèvement, il y a trois groupes de gens qui restent. Parmi les sauvés, il y a la Vierge folle, il y a les appelés, et il y a aussi les païens, les incrédules, les non-sauvés. Maintenant, quand l'enlèvement se fait, les vierges folles passeront par la tribulation et mourront comme martyrs. Avant le millénium, avant d'entrer dans le millénium, elles résisteront pour vivre dans le millénium. Je reprends. C'est lié à la parole prophétique. Quand l'épouse part pour l'église des nations, il y a les vierges folles. Les vierges folles vont rester. Ils vont passer par la tribulation. Et après, ils vont mourir. On va les tuer par l'église catholique. Ils mourront comme martyrs. Pendant cette période de 7 ans, l'époux et l'épouse sont au ciel dans la fête au nom de l'agneau. Mais avant que le millénium ne commence, les vierges folles vont ressusciter et ils entreront dans le millénium. Est-ce que l'Église est avec moi? Maintenant, pour les appeler, et ils vont rester dans la tombe jusqu'au trône blanc. Après le millénium, Satan sera délié. Après cela, il y aura la guerre de Gog et Magog. Et après cette Gog, Satan sera arrêté. Il sera lié. Et après cela, il sera jugé et condamné. Et il y aura la résurrection générale de tout le monde. Il y aura la résurrection générale de tout le monde. Et là, il y aura le jugement du trône blanc que nous appelons le dernier jugement. Et tout le monde sera jugé. Et ceux qui sont sauvés, les appelés, après leur jugement, ils entreront dans l'éternité et pour vivre éternellement. Et les perdus seront amenés maintenant en enfer. Les perdus seront jugés et condamnés au trône blanc. Et après leur jugement, ils seront envoyés en enfer. Est-ce que l'Église est avec moi? Alors vous qui écrivez, notez ceci. Je sais que j'avais déjà promis que je prendrais la parole prophétique où je vais parler de tout ça en détail. Écrivez. Premièrement, il y a l'enlèvement de l'épouse. Quand l'Église est enlevée, l'Évangile ici que nous prêchons retourne à Israël avec l'apparition de deux prophètes, Élie et Moïse, pour appeler les 144 000. Ça, c'est du côté juif. Maintenant, du côté des nations, deuxièmement, la Vierge folle passe par la tribulation et subit les martyrs. Troisièmement, avant le millénium, la Vierge folle ressuscite. Vous voyez. Et juste avant le millénium, il y a le jugement des nations. Pas le jugement des individus, des nations. Et la Vierge folle entre dans le millénium. Et au début du mille ans, parce que le mille ans commence avec Jésus, le fils de David. Quand les noces sont terminées au ciel, après 7 ans, Jésus descend avec son épouse pour entrer dans le millénium afin de régner comme roi avec sa reine. Donc, la descente après les noces de l'agneau, l'époux et l'épouse descendent pour régner dans le millénium comme roi et sa reine. Après les 1000 ans, Satan est délié et il y a la guerre de Gog et Magog.

Est-ce qu'on peut, on peut être baptisé deux fois? Et tu as été baptisé à Malambiri? Oui, oui. Je réponds à cette préoccupation. Il n'y a pas un problème. Si tu as été baptisé dans un faux baptême, sur base d'une fausse doctrine, quand vous recevez la véritable parole et que vous la croyez, c'est à ce moment-là que vous, vous faites, vous allez vous engager correctement. Un baptême baptiso que vous avez reçu sur un faux enseignement n'a aucune valeur devant Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Si on t'avait prêché des mensonges et que tu avais cru en ces mensonges-là, même si on t'avait baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire la semence sur la base, sur la semence sur laquelle on t'avait baptisé est fausse. Et cela n'aura aucun effet sur vous. Lorsque vous écouterez la parole de vérité, tu croiras la parole de vérité, tu vas te repentir, et après la repentance, sur base de la foi, dans la vérité, on va te rebaptiser. C'est pourquoi dans Ephésiens il est dit, après avoir entendu la parole de vérité, lisons cette écriture. Après avoir entendu. Ephésiens chapitre 1, verset 13. En lui vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est après avoir entendu la parole de la vérité. Pas la parole de mensonge. Maintenant, quand vous croyez l'évangile de votre salut, vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ, vous recevrez le Saint-Esprit. Dans la Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 19, Actes des Apôtres chapitre 19, verset 1 aller jusqu'au verset 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tous environ 12 hommes. Vous voyez ces croyants, ces 12 croyants d'Éphèse. Ce n'étaient pas des païens. Ce sont les gens qui avaient reçu le message de Jean-Baptiste. Ils étaient déjà baptisés du baptême de la repentance. Mais ils étaient en retard. Ils ne savaient pas que le sacrifice expiatoire du péché du monde entier était déjà venu et qu'il avait été déjà offert. Il ne savait pas qu'il y avait le Saint-Esprit. Vous voyez? Maintenant, quand Paul les a trouvés, ils sont venus écouter Paul. C'était des croyants. Ils ont apprécié la prédication de Paul. Et quand Paul leur a dit, depuis que vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit non, non. Nous n'avons pas le Saint-Esprit. Et on n'a jamais entendu, on nous a jamais dit qu'il y a un Saint-Esprit. Alors Paul comprit que non, le baptême là que vous avez reçu, c'est le baptême de la repentance. Il les a expliqués, et ils ont compris, ils se sont fait baptiser au nom de Jésus. Ils ont pris un autre engagement, et ils ont été baptisés au nom de Jésus. Et après leur baptême, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc si tu avais reçu un faux baptême, quand tu crois à la véritable parole, alors il faut qu'on te baptise. Maintenant, pour être précis, ici, j'aime que vous compreniez des choses. Le baptême peut être vrai, l'enseignement est faux. Vous voyez? Non. Je reprends. Le baptême peut être vrai, l'enseignement est faux. Ou l'enseignement est vrai, le baptême est faux. Dans les deux cas ici, quand tu crois, il faut qu'on te rebaptise. Vous dormez? Quand le baptême était vrai, mais la semence que vous avez reçue était fausse. Quand tu crois la vérité, tu dois te faire rebaptiser. Maintenant, si l'enseignement est vrai, le baptême aussi faux, mais quand tu reçois maintenant la vérité sur le baptême, vous voyez? Non. Vice versa, on doit te rebaptiser. C'est comme aujourd'hui, littéralement. Dans la cité où tu as déménagé, il y avait que le tonneriste Branham. Il croyait à la divinité de Branham. Parce que Branham est Dieu beaucoup deux fois. Vous comprenez Banamini, Banamini divinité à Branham. Mais on a baptisé Mungina la Yesu. Vous comprenez Banamini divinité à Branham. Mais on a baptisé Mungina la Branham. Mais on a Mungina la Branham. Il est où est ma doctrine à Wiyue? Tout ça, vous ne connaissez pas. Maintenant, quand tu avais entendu, tu avais cru que Branham est Dieu. Comme Branham est Mungu. Maintenant, on t'a baptisé au nom de Jésus-Christ dans les grandes eaux. Maintenant, tu viens ici. Pendant que tu nous fréquentes, Dieu te fait grâce. Tu comprends que Branham n'est pas Dieu. C'est un homme, un pécheur sauvé par la grâce, mais un serviteur de Dieu. Tu crois cela. Vous voyez? Non. Maintenant, tu es obligé de prendre un second baptême sur base de la vérité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je peux passer? D'accord. Merci. Donc, il n'y a pas de souci. 70e question. Il y a une sœur qui m'avait offensé. Je m'efforçais de ne pas avoir de problème avec cette église. Je l'avais suivi pour arranger. La sœur a refusé. J'ai demandé pardon à la sœur pour qu'on soit en paix. Elle a refusé. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où quand elle me voit sur la route, elle me fouille. Que dois-je faire, mon berger, pour que je sois en paix? Merci. Accent. Un problème. Pasteur. On a chiqué la question à Brévi. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour moi d'abord, même quand je lisais la question, c'est une honte. C'est horrible ça. Je réponds quand même à cette préoccupation. Premièrement, vous avez affaire à une sœur ou à un frère inconverti. Nduku dada, uko na mambo na mupagano qui est encore habité par les esprits de l'enfer. Ule mampepo mademona mugena ingariki yulu yake. S'il y a une chose, même un païen ne peut pas refuser. Kama kuko kitu kile ata mupagano shukata. Je dis un païen correct. Mina sema tu mupagano mnyoloka. Qui a une bonne morale. Alipata madibisho tu ya mzuri. Même un païen qui est correctement éduqué ne peut jamais refuser le pardon de quelqu'un. Mais ce soi-disant sœur ou frère, tu es parti lui demander pardon, il refuse, il ferme son cœur, il te voit sur la route, vous voyez, il commence à fuir. C'est le comportement des gens qui sont habités par les esprits méchants. Maintenant, les conseils que nous vous donnons, vous frères ou sœurs, il faut toujours suivre la procédure de Matthieu 18. Nous avons beaucoup de problèmes avec nos frères et nos sœurs. Parfois, c'est parce que nous ne suivons pas les instructions de la parole. Si tu as un problème avec une sœur ou un frère, et que tu veux te réconcilier avec lui ou avec elle, et que le frère ou la sœur te méprise ou te rejette, va chercher une sœur ou un frère, voilà, dada, deux sœurs ou madada ba wiri, deux frères. Voilà, banduku ba wiri. Allez voir cette dame-là. Mwende mukamono le dada. Allez voir ce frère-là. Mwende mukamono le nduku. S'il refuse d'écouter les frères ou les sœurs que vous avez amenés comme témoins, venez les dire à l'église, venez nous voir. Venez nous voir, nous allons l'interpeller. S'il continue à s'entêter, nous allons l'amener ici à l'église et il sera exclu. Voilà la procédure. On ne peut pas accepter qu'un frère, une sœur, qui vient ici, mais avec un tel comportement. C'est ce qu'on a fait à Kanini Mukanisa. Qu'est-ce que tu viens faire dans l'église? On a fait à Kanini Mukanisa. Faire quoi à l'église? Non, on a chiqué à Kanini Mukanisa. Quoi dans l'église? C'est horrible ça. Mambo Shangaïs. Même si foyer. Ah ouais, c'est que tu jusqu'à. On a quoi un chouki qui va jusqu'à la mort? Il en veut un roulou. Et vous, dans votre cœur, vous êtes à l'aise. D'abord, le comportement que vous manifestez, et qu'on a honnête à s'aimer toi-même, tu es prisonnier de ta méchanceté. Tu n'es pas à l'aise. Pourquoi on a mon adoukou, on a mon adada, ou on est dans le foutiam? Pourquoi? Tu es prisonnier de ta méchanceté. Évitez cela. Tu es pour qu'il est. Quand ma frère a dada ne dit rien, lorsqu'un frère ou la sœur, on a quoi au colomba bouluma, Bible est nasema, Yesu a dit tout fondé à kusema, omurumiye, parce que le haut est qu'on a katala, kurumiye anduku yake, dada yake de tout son cœur, Dieu aussi ne le pardonnera pas. C'est lui qui rejette la réconciliation, qui refuse de pardonner à son frère, à sa sœur, témoigne publiquement que lui-même n'est même pas pardonné. Dieu ne l'a jamais pardonné. C'est un méchant, c'est une méchante femme. Voyez bien mes frères. Quand les gens disent, attaque yake, même à son sondeil, Michi, je vais vous gagner en gars. Je ne vais pas fouler mes pieds là-bas. Pourquoi mon Christ, mon âme, quand tu es quel genre de chrétien? Il est bingo ou la tafta kwenda, njomule te mutenda kujire konsulia umbingo. Dans lequel vous voulez aller, vous irez vous réconcilier là-bas. Vous prouvez seulement que vous n'irez même pas au ciel. Vous manifestez de la haine qui va jusqu'à la mort. Cela est faux. Il est ni bon. N'encourage pas de tels esprits. Si, comme ce cas existe ici, quoi, je demande à la sœur ou au frère de me voir au bureau. On va régler ce problème-là. Je dis, pour terminer, comme c'est un cas, et c'est une question qui est posée, et qu'il y a ce cas au milieu de nous, on n'a jamais imaginé qu'il peut y avoir un cas comme ça, que la sœur qui a posé la question ici vienne me voir au bureau, on va régler ce cas. Mais toi, priez pour la sœur. Comprenez qu'elle est encore dans les chaînes de l'ennemi. La Bible dit, aimez vos ennemis, parce qu'elle te prend pour ennemi. Mais toi, aimez-la. Et la Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. C'est Romains chapitre 12. Ils ont cette écriture-là. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Romains chapitre 12, commencez même au verset 17 jusqu'à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez le bien. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, si sera de charbon ardent sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà ce qu'il faut faire. Priez pour lui. Il est encore dans les chaînes de l'ennemi. Quand Dieu va le visiter, il va la visiter et va se repentir. Mais si la situation, jusqu'à ce moment où je réponds à cette question, la situation n'a pas encore été décantée, vous me voyez au bureau, on va régler les comptes de cela. Est-ce que c'est bien compris? 72. Frère, comme plusieurs personnes nous disent, vous pensez seulement que ce sont les tabernacles, ce sont les églises tabernacles qui iront au ciel. Aussi, nous les chrétiens qui croient au message de, frère, de notre frère Branham. Et si nous avons tous le Saint-Esprit, seront tous enlevés. Car la parole de Dieu déclare, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce... Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alors, ceux qui ne croient pas au message, comme les dénominations et d'autres églises, comme je peux le dire, s'ils ont eux aussi le Saint-Esprit, ils seront enlevés les jours du jugement, parce que je vois plusieurs gens qui sont comme nous, mais qui n'entrent pas dans notre tabernacle. Ou c'est seulement notre église qui est le véritable tabernacle. Est-ce que vous avez suivi la question du frère ou de la sœur? Est-ce que vous avez suivi cela? Je réponds. Il y a des gens qui ont attaqué le frère ou la sœur pour dire, Vous qui suivez le Kambov Tabernacle, vous croyez seulement que c'est vous et toutes vos églises des tabernacles qui iront au ciel. Je réponds à cette préoccupation. Premièrement, c'est un mensonge. Nous n'avons jamais prêché cela. Nous n'avons jamais prêché que toutes nos églises du tabernacle seront enlevées. Aucune église du message ne sera enlevée. Il n'y a pas d'enlèvement pour le tabernacle. Il n'existe pas un enlèvement pour le tabernacle. Il n'existe que des individus qui seront enlevés dans le tabernacle. Ce sont des choses différentes. Tous ceux qui fréquentent le tabernacle ne seront pas enlevés. Il n'y a que ceux qui sont dans le tabernacle où on prêche la pureté de la vérité de la parole, qui ont expérimenté la nouvelle naissance, qui ont expérimenté la sanctification, qui ont été scellés du Saint-Esprit, qui seront enlevés. Vous voyez, est-ce que en dehors de ceux qui croient le message dans la fin, dans les dénominations, on peut y trouver des gens qui ont le Saint-Esprit? Je réponds à cette préoccupation. Non. Le scellement du Saint-Esprit se trouve uniquement dans ce message biblique du temps de la fin. Et dans les endroits où la véritable pure parole est apportée, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de mensonge, n'est pas l'esprit de l'erreur, c'est un esprit de vérité. Le Saint-Esprit n'est reçu que là où on prêche toute la vérité de la parole. Même ceux qui sont dans les églises appelées tabernacles, où ils lisent les messages de faux bonhommes, mais ils sont de la branche des fausses doctrines, ils ne seront pas levés et ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Un homme qui a le Saint-Esprit peut croire que Frère Banam est Dieu. Un homme qui a le Saint-Esprit peut-il croire que maintenant ici nous sommes enlevés? Il est dans le millénium. Il est au nom de l'agneau. Ce sont des folies. Mumakani sa yota ma tabernacle. Depo na ubiri mafundisho ya bongo. Abana mukweli ya neno. Amuna ta muntu moya. Ule mwenye kubatizwa na Roho Mtakatifu. Onction batawezi kuya nayo. Mais le véritable Saint-Esprit apana. Ils ne sont pas scellés du Saint-Esprit. Aina kuluka luka kuleko na uluka. Bantu anaenda kwa la kimia. Bana luka luka. Bongo, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Aina jo Roho Mtakatifu ile. Voyez. Non. Bengine wako na mafoto ya Frère Branham bale bila mikala mikabale. Bile makelele bule. Sont des tonos vides. Inutile ni mantuku tu na kwa kile. Sekele ja appel onction. Ni kama mubire kwa la luka luka. Quand le prédicateur et pourtant ici ce matin je prêche avec une forte onction. Ya subu na ubina pako ya nguvu. Voyez frère. Non. Onction la kuluka luka pan. Pako ce n'est pas ça. Ça peut arriver qu'on saute. Indépendamment de notre volonté. Oui, open. Voyez. Mais l'onction n'est pas ça. Voyez bien les mes frères. Aina mundu anakuya hapa anakimbia anaenda kule. Ah frère, il prêche avec beaucoup d'onction. Il est animé au théâtre. Façon de théâtre. L'onction prêche la vérité. Prêche la parole. La parole est inspirée. Toute parole est inspirée. Si c'est la vérité, elle est inspirée. Attention pour le problème. Même si vous parlez doucement. Toute la parole est inspirée de Dieu. Toute la parole est inspirée de Dieu. Tu vois les deux. C'est la vérité. Non, ni ukweli. Attends, même si tu dis Jésus-Christ. Jésus-Christ. Elle est Dieu tout-puissant. Ni Mungu aweze yote. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Elle est Dieu tout-puissant. Ni Mungu aweze yote. La vérité. Ni paka ukweli. Et quand tu dis. Mais quand tu as sema. Branham. Elle est Dieu tout-puissant. Mungu aweze yote. Alléluia. Alléluia. Attends, mina luka bia bon. Même si je saute la télé. Attends, mina yembele la mon peuple pour mu. Naza kutembe Branham. Il est Dieu. Branham ni Mungu. Branham. Fils de Dieu. Ni Bongo. Tout ça c'est. Attends, wewe wote mulana mukamule. Oh! Vous criez, tout ça c'est faux. C'est sous l'onction des démons. Ni chini au pas quoi ma démon. Donc c'est un peu ça. C'est ma joy. C'est pourquoi vous devez tirer très attention. Quand la parole de Dieu est apportée. Si il y a du caractère sensationnel. Nous on n'est pas beaucoup. Bien que nous sommes sensationnels. Nous ne sommes pas des cadavres. Si nous sommes vivants. Mais nous aimons beaucoup la parole. Vous voyez, frère. Donc, dans les dénominations, comme dans les fausses doctrines, il n'y a pas le scellement du Saint-Esprit. Dans les dénominations, comme dans les fausses doctrines, même du message, il n'y aura pas de gens enlevés. Vous voyez, frère. Je peux dire qu'ils ont le Saint-Esprit. Non, non, ils n'en ont pas. Et ils seront sauvés, ils seront enlevés le jour de l'enlèvement, du jugement. Non. Le jour de le jour du jugement, il n'y a aucun enlèvement. L'enlèvement, c'est ce que nous attendons. Il n'y a que l'enlèvement pour l'épouse. Il y aura aussi, après notre départ, l'enlèvement des deux prophètes. Élie et Moïse, après leur mort, ils vont ressusciter, ils seront enlevés. Vous voyez? Mais en dehors de ça, les vierges folles ne seront pas enlevées. Que ça soit au temps du jugement des nations, que ça soit au temps du jugement du trône blanc, il n'y a pas d'enlèvement. Un seul enlèvement pour l'épouse des nations, c'est ce que nous attendons. Un autre enlèvement de Moïse et d'Élie, c'est après le départ de l'épouse. Donc il n'y a aucun jugement qui est attaché à un enlèvement. Parce que je vois plusieurs comme nous, oui c'est vrai. Et qu'on a le frère dit que je vois des gens qui sont comme nous. Ils sont comme nous, mais ils ne sont pas réellement nous. Je réponds à cette préoccupation. Ils sont comme nous, mais ils ne sont pas réellement comme nous. Vous voyez, frère. Vous voyez, sœur. L'imitation se trouve partout. Un païen peut imiter un chrétien. Et tout le monde verra, il le verra agir comme un chrétien, mais il n'est pas chrétien. C'est pourquoi vous pouvez voir les gens qui entrent dans le tabernacle de son pied. Nous les appelons même frères, c'est par respect. Ah. Et on n'a pas de problème à ce sujet. Parce que nous sommes éclairés. Donc, pour résumer la question du frère, aucun tabernacle ne sera enlevé. Deux, tous les membres des tabernacles ne seront pas non plus enlevés. C'est uniquement ceux qui croient la totalité de la parole. La vérité de la parole révélée dans cet état du temps de la fin, qui sont scellés du Saint-Esprit, qui seront enlevés. Quatrièmement, il n'y aura aucune personne dans toutes les dénominations et dans tous ces faux tabernacles où on prêche la fausse doctrine qui seront enlevés. Personne ne sera enlevé là-bas. Vous voyez, personne ne sera enlevé là. Cinquièmement, dans aucune dénomination qui ne croit pas au message biblique du temps de la fin, comme dans une fausse doctrine, on ne peut pas y expérimenter le scellement du Saint-Esprit. Sixièmement, on ne peut jamais expérimenter le baptême du Saint-Esprit dans une fausse doctrine. Non, bien-aimé frère, avec des fausses doctrines créées et dans les tabernacles qui semblent croire au message de Frère Branham, comme je le disais tantôt ici, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité et non de mensonge. Le Saint-Esprit ne peut pas venir confirmer mensonge. Septièmement, pour ce qui est du salut, il y aura dans les dénominations des sauvés, après les jugements blancs, les jugements du trône blanc, il y aura des gens dans les dénominations qui seront sauvés. Mais être enlevé, non. Et au trône blanc, après les jugements derniers, vous voyez, personne ne recevra le Saint-Esprit. Tu es en retard? Ça va. J'ai dit ceci, huitièmement, au trône blanc, après le dernier jugement, personne ne recevra le Saint-Esprit. Et il n'y aura pas d'enlèvement là-bas. Ces gens que vous voyez qui semblent être comme nous, qui fréquentent d'autres tabernacles, ne sont pas les nôtres. Ils sont de la fausse doctrine. Ils peuvent être de la vierge folle. Mais ils ne sont pas des nôtres. Dans 1 Jean chapitre 4, je termine avec cette écriture. 1 Jean, prenons d'abord 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Verset 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils soient manifestes que tous ne sont pas des nôtres. Vous voyez? Aba frère bote tulikuwa kana abo umu bana toko walenda kuyenda makanisa yabo walenda makatolike bana rudia aba kukuwe betu il fallait bifike mwile namna juu na shia tuyu wa kusema aba na betu kama walikuwa betu si ils étaient vraiment des nôtres, ils devaient rester. Vous voyez frère, umu kambove ici à Kambove, c'est seulement nous qui sommes l'église du Dieu vivant. Si tu ne crois pas comme ça, tu es faux dans ton cœur. Jean chapitre 4, je termine avec ça. Verset 4, 6. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes des dieux. Nous, les ngoi. Ah, comme vous quoi qu'on a c'est maintenant nous parlons de votre nom. Nous, nous sommes des dieux. Celui qui est des dieux. Celui qui est de Dieu, celui qui connaît Dieu, nous écoute. Celui qui connaît Dieu, nous écoute. Celui qui n'a pas, qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. C'est pas là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Toutes les églises qui viennent nous dire conformément avec la Bible, qu'est-ce que nous avons prêché qui n'est pas dans la Bible. N'importe quel groupe de prière qu'ils viennent nous affronter, qui nous disent que par baptême, par divinité, parole dans l'église, par parole prophétique, pas n'importe quel enseignement. N'importe quel m'a fondé chaud. Et même savent que nous avons la Bible. C'est pourquoi la plupart. Il puise dans ce que nous prêchons ici. Nous sommes une source d'inspiration. Même pour les églises dénominationnelles. Ni moi je me dis à quoi vous ne savez pas que vous n'avez pas babo. Même leur balanda bongo. Ils sont leur trompés. Banetu shikiyaka. Et ils nous écoutent. Banandika kama note yetu. Ils crient bien tona ubiri. Voyez bien mes frères. Non. Voyez bien mes sœurs. Non là. Il y avait dans les quand nous étions encore dans cette petite église ici. Il venait des prédicateurs, il y a pas dans les églises. Il venait là, il dit non, pasteur. Là, je tourne quoi, triche, quoi. Tourne dans mon canne, à quoi, dans le canne. Et ils ont un problème d'argent. Ils n'ont pas un problème de salut. On ne peut pas les refuser. Mais Wamungu. Mais la qui, c'est lui qui est de Dieu. Il va nous écouter. Na wetu, et le nôtre, avec qui a parlé, il va rester ici. Comme on a monté à la toque, anenda mazebu. Observez, comme anenda mazebu, il devient prédicateur. Automatiquement, il devient ancien. Pourquoi? Parce que mazebu a eu à Kusema. Monte comme Kanisa Yangori. Il y a tabernacle, il est. Il monte au mur. Il a la connaissance. Ils le savent. Merci. Accent. Que Dieu bénisse. Donc, cherchez le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas adhérer à une dénomination au tabernacle. Non, non. Sans le véritable scellement du Saint-Esprit, personne ne sera enlevé. Nous aimons le royaume de Dieu. En dehors de la vérité que nous prêchons ici, il n'y a pas d'autre vérité. La vérité est unique. Frère, nous disons, vos serviteurs de Dieu, nous appelons serviteurs de Dieu, et nous disons, vos serviteurs, à cause de la grâce que le Seigneur lui-même nous a faite, nous sommes vos dons. Voyez bien, mes frères, pour vous nourrir, pour vous paître. Et croyez de tout votre cœur. Nous vous disons la vérité biblique. La Bible. Vous savez, vous n'ayez même pas honte. Même à l'école où vous allez, pas avec les amis, si on dit, aïe n'a pas orgueil. Aïe n'a kibouri. Voyez. Non. Nous le disons avec humilité. Chie tout comme toi, ton yamungu. Nous sommes enfants de Dieu. Na tout comme Zawadi. Et nous sommes des Juu ya kanisa ya Mungu. Dans la mouche à Kambove. Dans cette cité de Kambove. Si vous ne le croyez pas. Kama amini. C'est votre affaire. Nimamboako. Que Dieu vous bénisse. Mungu aimba. Devons-nous pour la prière. Kushima menja kumu. Il y a encore 5 minutes. Tu crois qu'on a dakika tena tano. C'est pourquoi mukonangai kaka boule quand vous achetez pour rien allez écouter des prédications sur YouTube c'est vous fou. Avez déjà des dons que Dieu vous a donné Mungu alipatia quand notre pasteur parle c'est un don pour vous quand Mungu parle c'est un don pour vous vous voyez alors consommez la nourriture qui vient de votre don. Chakula ila tokia uzawadi yenu. Hapa na kuacha salon mzuri. Meza mzuri huko naenda kutafuta vyakula mpubele. Allez chercher la nourriture à la poubelle. Bimbala. Allez chercher. Voyez bien quoi encore chini. Bangulu wanapika kwa milomo. Bangulu wanapika kwa milomo. Bambuzi wanapika kwa bambuzi. Chèvre. Tu vas empoigner ton akuria ko, balé du ton poubelle, j'aime vous prendre dans ta biakuria. La poubelle, vous allez chercher la nourriture. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé sœur. Panadad. Vos dons sont là. Mazawa dit, comme Paul pouvait dire. Paul veut pas l'assema. Nous sommes à vous. J'ai tout pour parler du yen. Vous voyez? Et non. Vous êtes à nous. Namoué mou parler du yen. Nous sommes vos agents. Tout ko, banakan, et nous sommes vos serviteurs. Vous voyez, bien-aimé frère. Non. Nous sommes là pour vous servir. Vous servir la nourriture spirituelle. Vous voyez. Non. Quiconque nous écoute, il verra le Seigneur. Si quelqu'un suit les instructions que nous donnons ici, il aura le Saint-Esprit. Si quelqu'un suit les conseils que nous donnons, même dans la chair, il sera béni. Maneno ya Mungu. On peut chanter ça. Avec l'autorisation, je suis dans le temps. Hein? C'est vous qui avez consommé mes 20 minutes. Moi, je vous veux pas. Mungu. Prions.